Nymphée de Joseph-Henri Books, dit Rosny aîné. Deuxième partie. Chapitre 1. Poursuite des sombres. Ma fureur éveilla les hommes des eaux, et d'abord notre ami. J'allais vers lui comme la tempête vers les chênes, et dans un délirant désespoir, j'implorais son aide, je lui montrais avec des gestes d'insensé la couche vide de Sabine. Un cercle d'hommes et de femmes se formait autour de moi dans la pâleur de l'aube, et les yeux d'escarboucle, les larges prunelles rigides, me regardaient avec une évidente compassion. Les brumes se levaient au soleil. L'horizon, sauf vers l'Orient et l'Occident, devenait d'une clarté précise. Et je pus voir, loin dans le nord, une tache imperceptiblement mouvante que je signalai à mon frère des eaux. Il fixa la direction dans sa tête, courut vers le lac et plongea. Je le vis dans les voiles cristallins, tout grossi et déformé par une ondulation légère, la tête tournée vers le nord. Je compris que ces vastes prunelles cueillaient sous l'eau les lents et lointains rayons, et mon impatience se compliquait d'une sensation de prodige. Il reparut enfin. Son cri batracien annonça la nouvelle à ses frères, et il disparut vers le nord avec une foudroyante rapidité. Une centaine de ses compagnons, armés de harpons et hélicoïdos, se jetèrent dans son sillage. Le même radeau, où naguère encore je m'installais avec Sabine dans nos flâneries sur le lac, fut aménagé. J'y pris place, muni de ma carabine et de mon couteau, et bientôt je fus entraîné avec une vitesse surprenante, mais pas plus considérable que celle dont l'autre radeau, là-bas, filait, lui aussi, emportant dans l'épouvante ma fiancée. Toutefois cette vitesse, le sommeil du vent et de l'eau, apaisèrent un peu mon angoisse. J'examinais la situation avec plus de sang-froid. De tout ce que j'avais vu, tant chez les hommes des eaux noires que chez les autres, j'osais conclure, avec assez d'assurance, que le jeune ravisseur n'userait pas d'abord de sa force. N'avais-je pas assisté à leurs patientes aventures, à leurs longs circuits amoureux, à tout ce que déployait de ruses gracieuses, de douces implorations, l'amant pour obtenir les faveurs de son élu? Et quelle probabilité que le chef noir en usât autrement avec Sabine? La singularité même de l'aventure ne devait-elle pas exciter les tendances de la race qui allait plutôt au charme qu'à la violence? Et puis les mœurs ne s'enfreignent pas aisément chez les peuplades primitives. En supposant que sa tribu lui eût octroyé Sabine, encore le jeune chef serait-il probablement obligé de se soumettre aux coutumes. Or nous n'étions pas à la lune nouvelle, unique période du choix. Près de 2 semaines nous en séparaient. Chapitre 2. Le combat sous la custre. Si nous gagnions sur le radeau poursuivi, c'est ce que je n'aurais pu dire. Je le voyais toujours comme un point noir sur l'horizon, et il était à craindre qu'il ne disparût à la première apparence de brume. Cela arriva vers midi. Le ciel n'étant pas tout à fait libre, parcouru de larges nues, les vapeurs furent condensées. Toujours entraîné sans que la vitesse se ralentît, peu à peu je glissais à la rêverie, à la vaine imagination de moyens fantastiques pour reconquérir ma fiancée, quand le cri batracien des hommes des eaux m'éveilla. Je relevai la tête. Le radeau était à 300 mètres d'une île basse où des peupliers montaient dans un fourmillement lumineux de leurs feuilles. Entre les troncs espacés, je revoyais le radeau, toujours comme une tache noire, mais plus proche, puisqu'il se montrait malgré la brume. Mon regard, attiré d'abord sur ce point, s'en détourna bientôt au clapotement d'appel de mon équipe. Tous m'indiquaient, au-delà de l'île, sur la droite, un massif de grands roseaux autour duquel l'eau s'agitait avec fureur. Le radeau s'immobilisa. Je tenais mon arme, chargée de ses deux coups, et j'attendais l'attaque. Le bouillonnement autour du massif de roseaux se déplaçait, se dirigeait vers nous. Puis soudain, un calme absolu. Les eaux limpides montrèrent leur fond de hautes plantes comme une forêt submergée, et sur les arabesques des tiges, les guipures de la feuille, partout descendait la divine lumière, d'iris autour des ombres, en globules de mercure sur les bulles d'air des feuilles. La vase avait une couleur indécise, entre le plomb terni de la glaise et l'or du sable. Aux moindres rides, des serviettes d'argent s'y déployaient, d'un bleu bordé d'orange, et ces plissements de la lumière plissaient la forêt immergée comme une étoffe souple. À part on ne sait quel glissement reptilien, rien ne décelait les hommes. Ils devaient être enfouis dans la fange, se guettant en une bizarre lutte d'immobilité. L'ultra défiance de la réciproque adresse et promptitude. Cependant, un petit nuage marqua le déplacement d'un corps. Alors un harpon hélicoïde flotta, traça un lacet, s'abattit et je vis un cadavre monter vers moi. Je connus ainsi la position des camps adverses. Les clercs se tenaient un peu en avant de mon radeau, les autres plus loin, adossés au massif. Au trait mortel qui venait de tuer un des nôtres, vingt traits répondirent, et je vis avec une sorte de joie féroce deux cadavres noirs monter vers la surface. Puis le guet reprit. Les nuages de bourbe se dissipèrent. Je pus revoir le plomb terni et l'or de la vase, les ombres irisées et les globules de vif argent, toute la cristallerie tremblante du flot. Je compris alors que l'attaque était aussi dangereuse que la défense, qu'il ne fallait pas négliger un instant de se couvrir. Mais comment cette tactique pourrait-elle se prolonger? La réflexion que j'en fis m'éclaira. Je perçus que les deux camps, avant de recourir à la bataille, se disputaient une position stratégique et que cette position allait dépendre de la capacité à rester sous l'eau. Ceux à qui faillirait la respiration se verraient obligés de remonter, de se découvrir. J'attendis avec anxiété cette minute critique, en tournant parfois les yeux vers le radeau de Sabine, arrêté comme le mien, très loin. Le massif de roseaux épandait vers l'est et vers l'ouest des éventails de rides fines. Mais le champ du combat demeurait à l'abri, si bien que mon regard, plongeant aux frêles végétations, je vis venir parmi les plantes rameuses, parmi les larges feuilles, des milliers de reflets métalliques, comme des louis d'or et des écus à la volée. Puis la cristallerie du flot, les serviettes d'argent, les globules de mercure, touchant cela, vacilla, des bandes innombrables de poissons envahirent le champ de bataille, et je distinguai une musique lointaine à laquelle une autre musique bientôt répondit. Je pense que les sombres s'efforçaient de mettre ce rempart vivant entre eux et l'éclair, avec l'intention de respirer à son abri. Pour quelque motif, la vie des poissons semblait sacrée. Pacte, loi de guerre, ou simple respect de la bête qui se donne volontairement et que la violence rendrait réfractaire. Ce fut dans le drame un épisode saisissant, tout de grâce et de prodige. Aller voir évoluer, pointus ou discoïdes, avec leurs yeux aux bagues fines, leurs bouches rondes ouvertes, le jeu muet de leurs opercules, s'éparpillant et se rassemblant, bandes assombries de dos, grappes de clarté de flanc, tourbillonnant sous la voix mince des roseaux, filant droit comme des rayons de lune par les branches, ou frémissant ainsi que les feuilles à la tempête, il semblait les notes visibles d'une orchestration prodigieuse où les yeux prenaient tous les plaisirs de rythme et d'harmonie de l'oreille. La lutte pour les maintenir ou les éloigner dura quelque temps, mais un de nos hommes s'étant aventuré sur le radeau, le roseau à rainures à la main, dès qu'il se mit à jouer, les poissons montèrent vers la surface et s'éloignèrent. Les poissons disparus, le camp des Noirs marqua sa fatigue. Les quelques-uns qui avaient tenté de gagner la surface pendant la phase des poissons flottaient maintenant, un trait dans le cœur. Trois autres s'élevèrent au mépris du danger et furent tués. Alors les harpons des noirs voguèrent par centaines, comme des hirondelles en migration, et ils s'enfonçaient parmi les plantes, soulevaient en léger tourbillon la vase. Les nôtres ne bougeaient point. Seuls, deux blessés montèrent, et avant que la riposte fût possible, les noirs élevèrent un épais rideau de tourbe derrière lequel ils vinrent à la surface pour respirer. Déjà l'éclair traversait ce rideau, prenait position sous l'ennemi. Vaincus, leurs munitions épuisées, les noirs se donnèrent à la fuite. Beaucoup y réussirent, mais un grand nombre furent tués, un grand nombre aussi retenus captifs. Je pressentis la poursuite inutile, l'arrière-garde des fuyards se séparant des poursuivants par d'immenses voiles de fange. Captifs et morts, acheminés sous bonne escorte vers les huttes, étaient partis depuis quelque temps, lorsque je vis émerger 5 ou 6 hommes clairs portant un enfant noir qu'ils déposèrent sur le radeau. On me fit signe de veiller sur lui, et comme je l'entendais pousser des gémissements, on me montra avec compassion son bras gauche. Je palpai ce bras, il était luxé à l'articulation de l'épaule, mais j'y fis peu attention, car le radeau de Sabine, en ce moment, disparaissait dans les brumes. Nous avions rejoint l'île. Notre troupe y prit du repos, mais sans aucune joie de la victoire, plutôt du dégoût et de la tristesse, accompagnée d'indignation subite, de grande colère clapotante. Pendant qu'il faisait cuire du poisson, je rôdais par l'île. Je la parcourus jusqu'aux 2/3 dans sa largeur. Il y croissait d'immenses graminées, et je me rappelle, à travers ma songerie, avoir remarqué une sorte de sillon où ces graminées se couchaient. Mais ce fut une de ces remarques qui ne pénètrent pas, qui reviennent seulement plus tard, comme les ébauches d'idées reviennent dans le sommeil. Quelques pas encore, le terrain s'effondrait dans un entonnoir hérissé de pierres dures, où s'ouvrait vers le fond un trou plein de vertiges et de nuit. Je me penchai sur ce sépulcre, y comparant mon âme vide et béante, et j'eus une hallucination. Il me sembla qu'une plainte venait de là, une plainte non comparable avec celle qui pouvait sortir du larynx d'un homme des eaux. Rien du clapotement humide, batracien, si caractéristique, mais une voix toute terrestre, sèche et vibrante, telle qu'une voix d'Européen. « Sabine ! » m'écriai-je. « Étais-je fou ? » Sabine fuyait sur les eaux. J'écoutais pourtant. Je prêtais une oreille capable de percevoir le vol d'une phalène dans les bois. Et je n'entendais que la rumeur des choses mortes, celle qui gronde à toute caverne avec les craquements menus de la pierre, les obscurs déclics de l'horloge des choses. Alors, tout songeur, je revins au campement. La halte ne se prolongea guère, car dès que le poisson fut rôti, nous l'emportâmes. Eux s'en repurent sous l'eau, ainsi que je le leur avais vu faire souvent. Moi, je mangeai ma part sur le radeau. J'en avais offert à mon compagnon de route, il avait refusé. Dans cette angoisse où je vivais, sa souffrance m'avait d'abord laissé indifférent, mais ce refus de nourriture, sa soif continuelle, les plaintes qu'il exhalait, attirèrent enfin mon attention. Déployant toute mon énergie, je parvins à remettre en état les surfaces articulaires de son bras. Tandis que je me penchais pour finir mon opération, une particularité m'attira. Sans le moindre doute, les yeux du blessé n'avaient pas, à beaucoup près, les caractéristiques des yeux des autres hommes des eaux. Le blanc s'y montrait très apparent et de fortes courbures. L'iris, quoique penchant vers le rouge, n'avait pas une couleur précise. Et plus d'un Européen possède des yeux semblables. Très surpris, j'examinai les autres parties de son corps. Je reconnus que ni pour la peau, ni pour les cheveux, ni pour l'affinement des extrémités, il n'était comparable à la gent aquatique parmi laquelle il vivait. À travers les soucis, les hypothèses et les conjectures m'agitèrent irrésistiblement. Me trouvais-je devant une race mixte entre les hommes terrestres et les hommes des eaux ? Ou bien par quelque phénomène d'hérédité, celui-ci revenait-il à la souche terrestre? Fallait-il supposer que la transformation de l'homme terrestre en homme aquatique s'était faite si rapidement qu'il avait suffi de quelques siècles? Par bribes, des rappels de lecture m'apportaient les affirmations de vieux auteurs sur la faculté de certains êtres extraordinaires à vivre sous l'eau. L'expérience faite sur de jeunes chats aurait démontré qu'immergés dès leur naissance dans du lait tiède, ils y étaient restés vivre pendant quelques heures. Notre existence, tout aquatique avant la mise au jour, ne pourrait-elle, selon des accommodations graduées, demeurer amphibie? Les ravisseurs prenaient soin de multiplier les obstacles en troublant l'eau sur de vastes étendues, et mes compagnons n'arrivaient à tenir la piste que par une quête sagace. Qu'on se figure donc ma joie lorsque, vers 2 heures, la brume de l'horizon se déchira sous les efforts du soleil et que je revis le radeau de Sabine. Mon doigt, à partir de ce moment, pointa vers la tache mouvante et nous glissâmes avec une rapidité double. Nous gagnions visiblement. De quart d'heure en quart d'heure, le radeau de Sabine devenait plus distinct et je jetai un cri de suprême allégresse en voyant se dessiner confusément sur le ciel une silhouette de femme. Mais l'angoisse mordit mon cœur à ce même moment. Le jeune chef, plutôt que de nous abandonner Sabine, ne la tirerait-il pas au fond du lac? Ah, qu'elle ne soit pas traînée dans les lourdes nappes de l'humide. Son pauvre corps, plus doux qu'un corps d'oiseau, son être aérien, sa beauté de créature, faite pour peupler les jardins fragiles de notre Occident. Encore plus près, l'adorable silhouette précise au point que je reconnaissais le petit mantelet ailé de Sabine. Je m'étais mis debout. Mon cœur ne semblait pas dans ma poitrine, mais répandu dans l'espace. Je n'avais plus que l'impression du soleil sur le lac, de la brise douce, du cri de mes compagnons. Je sentais mon corps dans ces choses comme un arbre dans une forêt, tandis que toute mon âme se précipitait vers le radeau dont 500 mètres à peine nous séparaient. Et cette distance décroissait continuellement. Or, debout sur mon radeau, entouré de fermes et beaux nageurs, dans le vent, dans l'étincellement du lac, les vagues où chavirait un monde de lueurs, le chant éperdu de mes hommes des eaux, c'était une chose vertigineuse. L'espoir et l'impatience se rencontraient dans ma poitrine, comme des corps de cavalerie au nœud d'une bataille. Je voyais Sabine, mais elle ne pouvait me voir. Elle avait la tête tournée vers le large. Par quel artifice la contraignait-il? Pourquoi le regard adoré ne venait-il pas au mien? Vague préoccupation d'amant, puérile jusqu'au cœur d'un drame. Arrivés à 300 mètres, mes nageurs libres s'élancèrent dans la direction du radeau. À ce même moment, un homme se dressa à côté de Sabine. Le cœur étreint d'épouvante, je le vis saisir la jeune fille à bras le corps. Elle lui résistait. Elle se débattait. Il s'efforçait de l'entraîner. Ah, j'ai gardé la trace de ces minutes sur mon organisme. Mon cœur, durant des années, en demeura affaibli, tremblant, et plusieurs mèches grises se mêlèrent à mes cheveux. La chose maudite s'accomplit sous mes yeux. Sabine fut précipitée dans les flots. La force du malheur déracina mon être. Dans des voiles obscures, parmi la chute, semblait-il, de fragments immenses du monde, je me lançai dans le lac, lourd, lent, impuissant comme un insecte dans la glu. Je nageai vers ma bien-aimée. Je compris presque aussitôt l'inutilité de cet effort, l'inutilité de tout effort sur cette misérable terre, et cessant de lutter, je me laissai couler à fond. Chapitre 3. L'enfant des eaux. Je me réveillai sur le radeau. Il était immobile et je m'y trouvais seul. Mon compagnon blessé avait disparu. Je cherchais en vain mes nageurs. Le lac, très pur, vivait sous le soleil sa grande vie clapotante, partout emportant vers l'horizon, ou apportant vers moi selon la brise, les poissons rutilants des reflets. Des traînées lumineuses cernaient des plaques lourdes, luisantes et bossues, comme du verre à bouteille. Des cuirasses imbriquées de pangolins, des réseaux bleus bordés d'orange, alternaient avec de petits flots en cloches de cristal, avec des rides si minces et si pâles qu'on eût dit de biscuits de mer flottant, avec des escaliers lumineux montant vers le soleil et des iris de soie posés à plat sur l'eau. Je m'occupais à ces choses dans une hébétude sinistre, le drame de tantôt relégué maintenant au double fond de mon être. Un temps interminable s'écoula. Puis mon regard perçut la présence d'un homme dans le lac. Je le voyais confusément, car il se trouvait à une grande profondeur. Il ne se déplaçait point avec l'ordinaire vitesse de ses congénères, mais plutôt avait une nage prudente et sans entrain. Il remonta. À son bras traînant, enveloppé de linge, je reconnus l'enfant capturé dans le massif de roseaux. Il tenait de sa main valide un objet brillant, mon couteau, qu'il était allé chercher au fond du lac. Je l'aidai à reprendre sa place auprès de moi, mais tous ses mouvements avaient réveillé l'atroce souvenir, et le cœur torturé d'épouvantables certitudes, je tombai dans un désespoir sans mots. J'en sortis à une pression sur mon épaule. Le blessé se tenait debout, avec une attitude apitoyée et une singulière insistance à me faire des signes de dénégation, accompagnée d'une mimique dont le sens m'échappait. Cela dura quelque temps, puis il parut se décourager et s'arrêta. Mais il gardait un air de réflexion inquiète. Enfin, d'un geste brusque, il saisit le couteau et détacha de nos planches 5 morceaux de bois. Une malice se marqua sur son visage, tandis qu'il me donnait la curieuse petite représentation suivante. D'abord, tenant sur sa poitrine un des morceaux de bois, il lui prodigua les marques de la plus vive tendresse. Il m'obligea même à agir comme lui, et je me demandais quelle cérémonie fétichiste il m'enseignait ainsi. Le deuxième morceau de bois, il le posa sur l'eau, simulant une embarcation. Mais tandis que le premier morceau de bois était couché près de moi, le troisième accourait, s'en emparait, le portait sur le radeau. L'intérêt s'éveillait en moi, car il devenait clair que le pauvre enfant me racontait l'histoire de Sabine. Il vit mon attention, et de nouveau son visage exprima la consolation et l'espérance, tandis qu'il poursuivait. Or, voici la chose émouvante à laquelle j'assistai. Le radeau emportait Sabine, puis il abordait à une île. Sabine descendait, conduite par le chef noir, et le quatrième morceau de bois prenait sur le radeau la place de Sabine. Une fulguration d'orage m'éclaira. L'enfant blessé riait et poursuivait son récit, suivi maintenant avec une plus frémissante palpitation qu'un drame de Shakespeare. Sabine et le chef restaient dans l'île. Le quatrième morceau de bois continuait sa route sur le radeau, et voilà que le cinquième morceau de bois surgissait, se saisissait du quatrième, se précipitait avec lui dans le lac. L'enfant riait encore, et cette fois, je comprenais bien son rire, je comprenais ses consolations et son espérance. Sabine vivait. La pénétrante certitude filtra dans mon âme, plus douce que les rayons de l'aube par les rameaux de quelques noires forêts d'Afrique. Elle vivait, mais où ? Pourrais-je en tirer l'indication du génial enfant ? Non seulement je le pus, mais avec des détails qui me surprirent. Nous avions trouvé une langue, et chaque succès en appelant de nouveau, bientôt cette langue exprima des sensations fort délicates, et même quelques idées abstraites élémentaires. Ainsi, je sus que Sabine s'était trouvée d'abord dans l'île proche du massif de roseaux. L'enfant me dit, mais je l'aurais tout aussi bien deviné, qu'il existait par là une grotte où Sabine aurait été descendue. Ma prétendue hallucination se trouvait donc être une vérité. Les plaintes sortant du trou de silence et de nuit provenaient bien de ma malheureuse fiancée. De cette grotte, elle avait dû être transportée dans le pays des hommes des eaux noires que l'enfant me montrait du doigt vers l'Occident.